Le péché tourne autour de la nudité. Souvenez-vous de ce qu'on a pris comme texte de base dans cet Ecclésiaste chapitre 17, verset 29. Dieu a créé les hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours. On a dit, les détours sont des voies qui n'étaient pas prévues dans le plan initiateur de Dieu. Amen. Donc maintenant, continuons. Alors, ils ont... Non, c'est pas fini là. Ils connurent qu'ils étaient nus dans ce verset 7 là. Le verset suivant, le volet suivant dit, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuient des ceintures. Le premier string a été fait dans le jardin. C'est ce qu'on vient de dire. Le premier string. Nous y voilà. Imaginez un peu vous qui portez le string. Vous connaissez comment vous portez, n'est-ce pas? Essayez de visualiser votre string maintenant qui est à la maison. Regardez la couleur verte. Donc vous venez de faire exactement le caleçon que Adam a fait avec sa femme. Vous savez que le figuier, les feuilles de figuier sont vertes, n'est-ce pas? Vous êtes là comme ça parmi vous, c'était on portait les strings rouges même. Donc directement, vous êtes coupable devant Dieu en portant cela. Je crois que vous avez vu cette vidéo, vous avez vu là on a placé les caleçons, non? Je ne sais pas, vous avez vu la vidéo, on ne sait pas la vous avez vu. Vous avez vu comment les caleçons ont évolué, non? En fait, si vous lisez Genèse chapitre 32, quoi non, Exode chapitre 32, verset 28, où on parlait des caleçons, on dit que le caleçon devait quitter, arriver ici. Je crois que vous avez vu ça dans le jardin. Comment on a commencé? Au fur et à mesure, on faisait quoi? On taillait jusqu'à ce qu'on arrive quelque part. Un taillant dit que non, ça dérape, dit non. Il faut qu'il y ait le frottement. Donc la Bible déclare qu'il fit des ceintures, des feuilles de figuier et ils en mis. Vous savez très bien, on parle de string là, le string. Regarde ta voisine maintenant face à face. Dis ma soeur, l'heure est grave. Jetons les strings. Souvenez-vous, je vous ai dit dès le départ que vous m'aimez, vous avez dit oui, non? La Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, ils ont cherché quoi? Les détours. Dis parmi les détours, il y a les strings. Ok, maintenant continuons. Donc le premier string a été fait par Adam et par Eve. Le premier string, voilà ça. En fait, imaginez comment vous pouvez imaginer. Il a fait le string, la feuille de figuier. Vous connaissez ce que les feuilles de figuier. Vous savez ce que ça fait, non? La seule longueur la plus grande, c'est que ça soit comme le string. On continue. Donc le premier string a été fait dans Genèse chapitre 3, verset 7. Vous vous souvenez de ce qu'on a encore lu dans cet Ecclésiaste chapitre 3, on dit qu'il n'y a rien de nouveau, non? Je vous ai dit qu'il y avait l'ordinateur là au jardin, vous ne croyez pas. Voilà le string, c'est toujours là-dedans. Alléluia. Continuons ici, continuons verset 8. Regardez. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Arrêtons-nous là maintenant pour que vous voyez la chose. La même réaction est dans le monde aujourd'hui. Si vous voyez une fille avec le string, à l'instant où il veut entrer dans un lieu de culte, directement, il va commencer à tirer. Vous voyez comment elle tire pour cacher, n'est-ce pas? Pour cacher. Quand il voit, elle est même dans un bureau où il y a un homme respectable, comment ça se fait, monte sur la moto. Vous avez, comment vous appelez la vente et d'eau nue dehors, quelque chose comme ça. Ça monte. Vous devez reconnaître que c'est elles sont possédées, sinon vous-même qui êtes ici. Donc le simple fait de mettre le string sur vous, votre appareil génétique est possédé par un démon. Avançons seulement, vous allez voir, avançons doucement. Donc regardez, on dit, quand ils ont fait cela, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui. Pourquoi ils ont fui? En fait, souvenez-vous, ils se rendaient compte qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas la possibilité de recouvrir leur corps. Ils ont mis le string. Le string n'était pas suffisant. Ils ont fait comme ça là. Allez se cacher. Autre chose pour vous montrer que c'est le rapport, c'est dans notre question. Quand ils ont péché, ils n'ont pas fermé la bouche. Ils ont couvert le string pour couvrir ce qui avait péché. La bouche mange la pomme, comme on dit là. Et puis ils couvrent le string pour mettre ici. Qu'est-ce que ceci a à voir avec ce qu'il y a? Avançons, c'est bon. Donc. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Dis à ton voisin, Dieu cherche l'homme. Dieu veut que l'homme retourne à son poste initial. Remarquez un des choses que je vous avais dit, c'est que chaque fois c'est Dieu qui a pris l'initiative de venir vers l'homme. Lorsque Adam a fait cela, si Dieu restait de son côté, il ne pouvait pas évoluer. Voilà pourquoi dans son amour, Dieu vient vers nous pour nous racheter. Voilà pourquoi quand on prend les détours n'importe comment, il envoie sa parole pour nous faire revenir à l'ordre. Au fur et à mesure, dans la parole, c'est la même chose qui va se passer. Quand Israël va pécher, il va susciter Élie. Il dit que jusqu'à quand clocherez-vous à gauche et à droite, si Baal est Dieu, allez vers lui, si c'est l'Éternel, retournez à lui. Amen. Dieu suscite ses paroles, c'est chaque fois qu'il fait retourner à la parole. Et Dieu ne peut pas se compromettre sur sa parole. Vous montez, vous descendez, même n'importe comment que c'est laquelle vous avez compromis. Tant que vous ne retournez pas sur cette parole-là, vous n'entrerez pas. Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 7, verset 13, où il a dit clairement, Il dit que l'âge est spacieux et la voie qui mène à la perdition, n'est-ce pas? Il dit beaucoup y vont. Si tu te trouves dans le groupe, si tu vois dans le monde les gens portent le signe, tu portes, tu es dans le groupe là directement. Parce que la Bible déclare clairement que le monde aimerait ce qu'il y a à lui. C'est ça qu'on fait la publicité dans quoi, à Hawaï, les plages de Californie. Ouh, on prend le bon temps. Bon temps, ne vous inquiétez pas. Il y aura vraiment le bon temps en enfer avec le string. Donc, on avance là dedans. Il dit, oh mes soeurs, dis à ton voisin encore, qu'est-ce que tu fais avec tes strings? Donc, il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Et mais regardez franchement, restons, réfléchissons un seul instant. Allez à la maison même pour une dernière fois. Mettez ça sur vous, regardez comment vous êtes laide avec ça. J'ai maladie. Vous allez rire. C'est un sujet à en pleurer. C'est quand même curieux avec l'audition. Je dis qu'on dénonce des péchés, j'en ris plutôt. Je dis que je ne comprends pas que quelqu'un puisse avoir quelque chose comme ça avec lui. Et regarde sa nudité. Mais c'est quand même curieux. Quelqu'un a même une grosse face comme ça, comme la mamie, il met le string au milieu. Après, il cherche même le string, il ne voit pas. Dis à ta voisine, qu'est-ce qui ne va pas avec nous, les femmes, là? Avançons. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, s'il vous plaît, pas de bavardage. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Remarquez très bien, Dieu connaît que l'homme a péché. Dieu connaît que l'homme a péché. Il connaît que l'homme devait pécher. Où es-tu? Je vais dire directement, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu quitté la voie? Pourquoi n'as-tu pas tenu ferme? La parole t'a été donnée, la voie t'a été donnée sur laquelle tu devais rester. Pourquoi tu t'es détourné? Dieu a créé les hommes droits, ils ont pris beaucoup de livres. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quelle voie tu as de marcher où là? Est-ce que tu es sur la voie? Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Il répondit, j'ai entendu ta voix. Donc, il a entendu la parole de Dieu prêcher dans le jardin et j'ai eu peur. Toute personne qui vit dans le péché a automatiquement cette semence en lui, la peur. Parce que directement, le péché là indique directement un châtiment. Alors maintenant, si tu ne vis pas dans le péché, automatiquement il y a la conscience tranquille. Si notre conscience nous culpabilise, Dieu est plus grand que notre conscience. Donc ça veut dire que si tu n'as pas de culpabilité dans notre conscience, à moins que ta conscience, si ta conscience est congelée, il faut vraiment laisser au soleil pour que ça soit dégivré, pour que tu saches vraiment de quoi on en est parlé. Ouais, il y a quoi de mal à cela? Mais c'est terrible. Il y a quoi de mal à cela? Il dit, parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur parce que je me suis nu. Je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger? L'homme a répondu, maintenant les pimpes ont commencé. L'homme répondit, la femme que tu as mis, il a balancé sur Dieu. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Pour dire que si tu ne m'avais pas mis cette femme-là, je n'aurais pas fait. Et en partie, il avait raison. Si Dieu n'avait pas fait la femme, il serait arrivé là-bas. Donc Dieu a vu que l'on s'est calé sur lui. Il a balancé maintenant la femme. Pourquoi tu fais cela? Il ne le sait pas. Le serpent n'avait personne sur qui il balançait. C'était terminé. Le problème était réglé. Quand c'était tombé sur le serpent, l'ascension a commencé. Alléluia. Et c'est le principe donc qui gouverne cette façon de faire qui se trouve dans le monde. Quand quelqu'un pêche, on dit que ouais, c'est telle personne. J'ai l'échec comme ça parce que si ma tante n'avait pas fait telle chose, si mon grand-père n'avait pas fait ceci, la Bible déclare la Ramadan chapitre 3, verset 37-37, qu'il y a-t-il quelque chose qui arrive sur la terre sans que l'Éternel l'ait ordonné? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Donc parle de ta papa. Souvenez-vous de ce qu'on a dit la dernière fois. Ouais, les catholiques vont tuer le dehors. Nous-mêmes qui sommes là comme ça, nous ne sommes pas encore sûrs d'entrer. La Bible déclare que et si le juste se sauve avec peine, l'impie que deviendra-t-il? Je vais tourner chaque fois, je vais vous expliquer ce qu'il dit chaque fois. Que le but premier de Dieu, ce n'est pas qu'on ne pas prêcher. Le but premier, c'est de vivre d'abord la chose. Qu'elle peut être transformée par cette chose-là. Quand ça va te transformer, ta vie sera un témoignage vivant. Prenons un exemple, tu sors avec une fille, tu sors comme ça, tu es une fille, on dit que non, comme dans les dimensions, on dit, allez prêcher, non, je me programme, me joue d'évangile, tu pas évangile, tu sors avec le pantalon, les fesses sont dehors, tu tires, ça fait vous, ça monte, tu tires, ça va. Tu rencontres une fille qui, pendant qu'elle est comme ça, elle tire comme ça, je suis bon. Pendant qu'elle baisse le string, elle tire comme ça, qu'est-ce que tu fais? La prostituée et toi, vous n'êtes pas différents. Alors, les prédicateurs de l'enfer ont trouvé des stratégies. Quand tu pars en milieu des prostituées, ne faut pas t'habiller avec les pains parce qu'on va voir, on va fuir. Donc il faut flatter les gens. Donc il faut t'habiller vraiment comme eux au milieu, en citant l'apôtre Paul. Que non, avec les sages, j'ai été comme sage. Avec les grecs, j'ai fait comme grec. J'ai dit à la prostituée que continue. avec les bandits, tu voles pour les enrichir. Christ a dit non, pas comme ça. Il dit avance donc. Avec les prostituées, tu couches avec les prostituées pour gagner les prostituées. Il dit non. Il n'y a pas de compromission. Ce n'est pas ton. Écoutez, quand tu veux annoncer l'évangile à quelqu'un, tu ne veux pas annoncer pour lui plaire. Quand tu viens dire la vérité à quelqu'un, tu ne veux pas lui dire la vérité pour lui plaire. Il n'y a pas de complaisant là-dedans. Tu annonces la vérité. Prostituée, si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Ils ont dit que non, pour que je m'arrive là-bas pour lui parler, pour qu'il comprenne, il faut que je m'habille comme une prostituée pour aller le faire. Demande toi-même, tu es prostituée. Il faut que tu te prêches à toi-même. Amen. Donc je parle de cette prédication pour que vous voyez comment les gens utilisent des tours. Alors on a convenu de plusieurs choses, stratégie de l'évangélisation. Vous pensez que l'apôtre Paul allait pour aller prêcher aux sorciers, comment il a fait comme des sorciers pour pouvoir les délivrer? Quelque chose en train d'arriver à l'humanité. L'humanité en train de décroître de façon exponentielle. On est en train de chuter, on est en chute libre là vraiment. La décadence morale est grave. Dieu a créé les hommes droits, ils ont pris beaucoup de détours. Avançons rapidement là, dans ce Genèse chapitre 3. Donc pendant qu'on y est là maintenant, il n'y a que deux voies. Ou bien tu es dans l'obéissance, ou bien tu es dans la désobéissance. Un. Ou bien tu es dans la perdition, ou bien tu es sur la voie du salut. Ou bien tu es en train de suivre Dieu, là où nous sommes dans cette sortie, ou bien tu es en train de suivre Satan. Il n'y a pas deux mesures. Ou bien tu es dans la grande voie qui va aller en enfer, ou bien tu es dans la petite voie étroite et rétrécie. J'avais dit, prêché en 2009, j'ai dit aux gens que commencez à faire votre liste des choses qui peuvent vous amener, vous allez remarquer. On dit étroit et rétréci. Ça veut dire que c'est un endroit où quand les gens avancent, plus on avance, plus c'est rétréci. On dit que non, la condition est difficile ici. Jésus avait bien dit, le prix à payer pour être un disciple. Il dit que si vous ne détestez pas votre propre vie, vous ne pouvez pas être son disciple. Donc à l'instant, tu te mets, regarde la parole, tu dis que waouh, je suis bien encore, il y a un problème avec toi et Dieu. Ok, avançons ici. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, verset 13 là. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent. Vous avez vu la chose, n'est-ce pas? La séduction. Donc, dans toi, la femme se trouve dans la possibilité et les potentialités de séduction. Regardez les publicités, regardez. Quelqu'un vient pour ouvrir la bière. Il y a un publicité qui vient à l'assiette maintenant, qui a un serveur de bière, étant servi la bière, quelqu'un, une femme l'a envoûté. En regardant ça, il entre dans la piscine. Pour montrer qu'elle est envoûtante. Destructrice. Lisez votre propos, vous allez voir clairement comment le mieux donne le conseil au roi. Il dit qu'il ne se tourne pas vers les femmes qui tournent la tête des rois. Ça n'est pas encore, c'est quoi les questions? Les rois. Là. En fait, vous connaissez Hérode dans la Bible avec dans ce Matthieu chapitre 14, n'est-ce pas? Elle a fait tingiligrandi, mère. Le roi a fait comme des mouchoirs sur ses yeux comme ça que quoi, c'est la fille de qui ici là? Elle tourne les reins. Il dit que non, c'est ta fille, non, tu l'as bien formée, elle danse très. Elle a les coups de reins, je n'ai fait le pésique. Elle a dit que dis-moi ce que tu veux. On a demandé à la tête de Jean-Baptiste. Un prophète est mort à cause de la danse d'une femme. Un prophète est mort, le prophète. Est mort à cause de la danse d'une fille. Donc de la démarche. Elle a fait la démarche au milieu des gens. Waouh. Vous savez, les TV, vous avez Fashion TV là, non? Elle s'est tortillée. Et remarquez très bien. Depuis donc ses péchés, la femme a commencé à se tortiller comme le serpent. Est-ce la séduction? Ok, continuons ici. L'Éternel, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as. Regardez, il n'a pas posé la question pourquoi tu as fait cela. L'ascension a commencé. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc il ne marchait d'abord pas sur son ventre. C'est ce qui est écrit dans le noir et blanc. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre directement. Vous voyez votre livre de bébé que vous voyez. La semence commence là. Vous avez les bibles chrétiennes qu'on a dit pour les enfants. On met les images. On dessine un genre. Voilà pourquoi cette doctrine qu'on prêche là, ça dérange. Parce que depuis la naissance, on a enseigné aux enfants que c'est les pommes. Vous prenez le livre des bébés. On a dessiné un arbre là-bas avec Adam qui a de ce côté avec des feuilles comme ça là. Je sais pas, on dit un camtop et du filtre. Ne dessinez pas de tes bêtises. Déchirez ça dans vos bibles. Parce que cette image là est imprégnée dans l'esprit du bébé. Tu vas me prêcher la vérité, c'est une voix qu'on voit. Parce que dans son livre, c'est écrit. On dit clairement que tu vas marcher sur ton ventre. Dans les livres, on dessine le serpent qui est enroulé. Alors que c'est après avoir fait péché qu'il a été comme ça. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. On continue. je mettrai inimitié entre toi et la femme. Vous voyez ça directement, il est en train de parler maintenant de Christ et de l'église là maintenant. Le Christ et des serpents. Vous voyez cela? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Soulevez-vous, dans votre version, c'est la descendance. Entre ta descendance et sa descendance. Je ne comprends pas que les prédicateurs puissent lire ces choses-ci. Ils disent que la descendance de la femme, c'est Christ. Et ils ne peuvent pas trouver l'autre descendance. Ils ne peuvent pas comprendre que... Donc, je ne comprends pas que la Bible... Dieu lui dit ici qu'il y a deux postérités. Deux. Il dit qu'il y a antagonisme entre les deux postérités. Il y aura une division perpétuelle entre les deux postérités. Le prédicateur dit que non. La postérité, c'est Christ. Et Genèse, Galates chapitre 3 dit clairement qu'il parle de la postérité, c'est-à-dire de Christ. Alors, personne ne s'évertue à chercher l'autre postérité. C'est pas bizarre, ça. Voilà, c'est on dit qu'il veut mettre un antagonisme entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme, c'est Christ, littéralement. Vous ne pouvez pas dire autrement. C'est ça, c'est la postérité. La question, c'est maintenant, c'est l'autre postérité. Donc, c'est qui? Et c'est où? Amen. Ok. Il dit, verset 15, la suivante, il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Et là, littéralement, effectivement, accomplisse là où à la croix de Golgotha. Amen. Amen. On continue. Verset 16. Il dit à la femme, dites aux frères d'entre eux que les frères se trouvent dehors. Il dit à la femme, verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Je vais encore corriger quelque chose ici qu'on a mal interprété. Je ne parle pas qu'on a mal interprété dans la Bible. Je vais dire, vous allez suivre. Je vais corriger quelque chose qui est une mauvaise interprétation de la chose qu'on en dit. Regardez ce que Dieu dit. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Dieu n'a pas dit que c'est le jour où tu vas pousser où il y aura la souffrance. Dieu n'a pas dit que c'est le jour où tu passes sur la table pour pousser. Donc depuis le temps que tu as conçu, jusqu'au temps que tu affranches, les souffrances peuvent être n'importe où. Faut que vous compreniez. C'est ce qui est écrit là-bas. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc c'est normal que l'enfant te dise, c'est toi qui nous as fait pécher le monde ici. Alléluia. Et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais le mot hébreu là-bas, c'est gouverner. C'est, parce que quand c'est pas la dictature, la domination. Directement après le péché, Dieu a réglé le problème maintenant que l'homme est le chef de la femme. Depuis là, le Nouveau Testament, c'est ça qu'on va développer. Et voilà pourquoi la chose, on va dire qu'elle dénonce dans le Seigneur, comme le dit aussi la loi. Donc si on en a la loi, on va trouver. Amen. Amen. Mouvement féministe alors, où est-ce que ça se trouve? Égalitaire, égalitariste. Non, l'homme et la femme sont égaux. C'est ça, n'est-ce pas? L'humanité va rendre compte à Dieu. Dieu a créé les hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours. On continue. Souvenez-vous de ce deuxième passage d'Ecclésiaste 3. Ce que Dieu a créé, courbé, ne doit pas être touché. Ce que Dieu a créé. Je vous pose la question tout simplement, ne vous inquiétez pas. Vous avez dit que vous m'aimez dès le départ, n'est-ce pas? Je vous pose une question, vous allez me répondre ici ce soir-ci. On avance. On avance. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouter sa voix, la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet or, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Pourquoi Dieu n'a pas maudit les arbres, il a maudit le sol, bien-aimé? Pourquoi? Qu'est-ce que le sol a à voir là-dedans? Ils ont couché au sol. Donc, il dit, le sol est maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, il dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. C'est ce soir qu'on couche pour faire quelque chose de parfait. Donc faisons attention. D'accord? Ok. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi il fallait que le sang de Jésus, un sang coule pour que le péché soit pardonné. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Posez cette question à un prédicateur. Quand vous prêchez l'évangile là, dites-nous pourquoi il fallait que quelqu'un verse le sang pour que le péché. Pourquoi on ne dit pas seulement Seigneur pardonne le péché et que c'est pardonné? Pourquoi sans effusion de sang, il n'y a pas pardon? Pourquoi? Il faut que les prédicateurs, les anciens gébestistes et les ceux qui portent les blouses pour enseigner aux autres à l'école biblique puissent comprendre cela. Il y a un pourquoi dans la Bible, il faut que le sang soit versé. Parce que le sang a été versé lorsque l'humain de Ève a été versé sur la terre. C'est le principe. C'est normal, si je ne comprends pas l'autre, c'est parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses qui touchaient à cela. Quand le serpent a couché avec Ève, il l'a déviégé. Si vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez jamais. Pourquoi Dieu n'a pas choisi que non, je vous pardonne. demandez seulement pardon, oui, pardon. Voici pourquoi les musulmans ne peuvent pas comprendre ces choses-ci. Que, non, non, Dieu, effectivement, ils ont raison en partie parce que les chrétiens n'ont pas compris eux-mêmes ça. Que non, Dieu n'a pas besoin qu'on verse. Que c'est pour ça qu'ils refusent que Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ. Parce qu'ils disent que Dieu n'a pas besoin de sacrifier quelqu'un pour que les gens soient pardonnés. Et la Bible nous dit clairement que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. À moins donc que tu acceptes que Christ est mort pour tes péchés, tu n'es pas pardonné. Même si tu dis que pardonne-moi Seigneur. Parce que le pardon n'est que dans le sang du Seigneur. Le pardon n'est qu'à Golgotha. Alors maintenant, pourquoi donc Dieu va demander qu'on tue quelqu'un? Remarquez, en fait, on va voir ça maintenant tout à l'heure. Regardez. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous voyez, pour que vous compreniez ce que je viens de dire. Pour que le fait qu'on vous ait expliqué que c'est le fruit que quelqu'un a mangé pour pécher, pour que vous voyez très bien que c'est un non-sens même dans la Bible. Vous y êtes? Ok. On arrive là, on arrive. Veuillez vous asseoir bien aimé. Veuillez vous asseoir. Reculez-vous. Vous asseyez. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous m'aimez toujours, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore commencé à poser des questions. C'est moi qui vais vous poser la question ce soir. Et on va répondre à la lumière de la parole. Il n'y a pas de questions que quand on pose, vous restez tranquille. Vous allez répondre. Je vous le dis. Souvenez-vous du texte de base. Dieu a créé les hommes droits. Ils ont cherché beaucoup de... Donc, il y a beaucoup de détours qu'il va falloir qu'on se calme. C'est sur vous maintenant. On avance. Donc, regardez. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira les épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Regardez très bien. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que l'animal a fait pour que Dieu puisse le tuer? En fait, avançons, non, pas encore lui là-bas. C'est à la sueur, verset 19, c'est à la sueur de ton front, ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voici un verset qui a égaré les témoins de Jéhovah. Voici un verset qui a égaré les témoins de Jéhovah. Parce qu'on a dit qu'il dit que l'homme est poussière, il est dans la poussière. Or, Dieu a d'abord créé, ils oublient que dans Genèse 1, 27, Dieu a créé d'abord l'homme à son image. Dieu est-il poussière? Non. Alors, voici la chose, mes chers amis. Voici donc pourquoi il fallait... Oh mon Dieu, il y a tellement de bougements là-bas. Voici pourquoi il fallait que Dieu lui-même vienne dans une chair humaine. Écoutez bien. Voici pourquoi il fallait que c'est Dieu, littéralement, qui vienne dans une chair humaine. Parce que d'abord, c'est lui qui a pris l'initiative de mettre l'homme dans la chair. Quand il a créé l'homme-esprit, l'homme était esprit, il n'avait pas de péché, il ne pouvait pas pécher. L'homme est tombé dans le péché lorsqu'il a été mis dans la chair. Les témoins de Jéhovah ne connaissent pas, ils ne veulent pas admettre que l'homme qu'on voit là, l'être humain, est constitué de la chair et de l'esprit. Et puis il y a une âme à l'intérieur qui a les émotions, qui peut sentir des choses, des douleurs et autres. Vous comprenez? Parce qu'on a dit que tu es possédé dans la poussière. Dieu a donné la sanction à l'homme pécheresse, pas à l'homme qui est selon son esprit. Voilà pourquoi donc le Seigneur Dieu des armées est entré dans une chair humaine appelée Jésus pour rétablir ce que l'homme Adam, le premier Adam, avait fait dans la chair, afin de retourner l'homme sur le plan spirituel. Alors, si quelqu'un croit en Christ, il naît de nouveau. Pas selon la chair, mais selon l'esprit. Une nouvelle naissance. Alléluia. Ok, avançons, avançons. Oui. Ah, okay. Lorsque Dieu a créé Adam, oui. Et Ève, mm-hmm. Ils étaient esprits à ce moment-là. Mm-hmm. Non, Dieu n'a pas créé Adam et Ève esprit. Dieu a créé l'homme et la femme simultanément. Les deux esprits étaient collés. Dieu a d'abord créé Adam. Oui. Adam était... Non, il a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé deux esprits simultanés. Il a créé le même esprit, les deux, l'homme, l'esprit de la femme et l'esprit de l'homme, le même, identique. C'est juste après qu'il a endormi Adam et fait sortir Ève. Il a donc fait la chirurgie donc pour enlever l'esprit de Ève sur l'esprit de Adam. À quel moment ils ont été charnels? À l'instant où Adam a été endormi, quand il a endormi Adam. Suis bien. Dans Genèse chapitre 1, Dieu fit l'homme à son image. Après, on dit maintenant, l'éternel Dieu forma de la poussière maintenant l'homme. Le premier que Dieu a fait à son image, c'est l'esprit. Quand il a formé l'homme, c'est quand il a fait la terre pour faire que l'homme esprit entre dans le cœur. Il souffla dans ses narines, l'homme divin, un homme vivant. Voilà l'homme spirituel qui s'est joint à la chair pour devenir maintenant ce que nous sommes maintenant. D'accord, ma soeur? Merci. Voilà pourquoi l'homme a un taux minime de... Vous appelez l'ostrostérone. Qu'est-ce que vous appelez? La femme a un peu de progestérone. Voilà pourquoi. Parce que vous montez, vous descendez, on est lié. L'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Voilà pourquoi. On avance là. Ok. Donc, verset 19, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu nous dit, ça n'a pas de sens. C'est de dire maintenant que la sœur Myriam est une femme. Ça a un sens. Quel renseignement de nouveau ils sont de lui donner? C'est une femme, non? Si il dit que toutes les femmes qui ont les seins sont des femmes, alors ceux qui n'ont pas de femmes, des seins ne sont pas des femmes. C'est un non-sens. Dieu veut montrer quelque chose encore pour donner des révélations au fur et à mesure de ce qui s'est passé. On dit que Adam a donné à sa femme le nom d'Ève parce qu'elle était la mère de toute l'humanité. Parce qu'elle avait. C'est normal, donc je vais dire ceci. C'est normal que s'il y a un homme et une femme dès le départ comme échantillon, tout le reste soit venu d'eux. Donc on a plus besoin de préciser que c'est elle qui est la mère de l'humanité. Dans ce cas, pourquoi on dit elle est la mère de toute l'humanité, on ne dit rien par rapport à l'homme. Donc, indirectement, elle dit que tous les hommes sont issus de la femme, mais pas de l'homme nécessairement. Donc, ça veut dire que Caïn, son père, était Satan, comme on a vu dès le départ. Autrement, il y a un rapport sexuel entre le serpent. Souvenez-vous, je ne dis jamais le diable. Le diable ne peut pas avoir de rapport sexuel. J'ai dit c'est le serpent, c'est ce que la Bible dit. Citez ce que la Bible dit. Donc, il y a un rapport sexuel entre le serpent et Ève. Et Ève a donc porté les deux lignées donc, pour enfanter tout ce qu'on voit dans l'humanité aujourd'hui. Voilà pourquoi on l'appelle la mère de toute l'humanité, pas Adam. Adam n'est pas appelé le père de toute l'humanité dans la Bible. Pourtant, normalement, c'est lui qui devait être le père de toute l'humanité, puisque tous les semences viennent de lui, ils doivent automatiquement venir de lui pour engendrer. Donc, continuons ici au verset 21. Ok, regardez. L'Éternel Dieu fit. Maintenant, nous y voilà maintenant. Regardez. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme quoi? Des habits de peau. Des habits de peau. Lisez la suite. Donc, regardez, en fait, vous avez la version du second, je ne sais pas si quelqu'un a une autre version là-bas. Littéralement, si vous lisez la version Shuraki, ou bien la version crampon, l'abbé crampon, c'est écrit, l'Éternel Dieu fit des tuniques pour couvrir l'homme et la femme. Ou bien, en hébreu, le mot hébreu pour, qui est écrit là-bas, on a écrit, dans votre du second, pour habit, c'est ketonet, c'est-à-dire que ça veut dire clairement manteau. Ah, arrêtons là-bas, c'est ici qu'on va s'arrêter, on va commencer. L'homme a fait quoi quand il a péché? L'homme a cousu quoi? Ne blaguez pas maintenant. Je vous ai dit que je vais vous poser des questions, vous allez me répondre. Laisse-moi l'esprit étudier. Appelons le nom moderne. L'homme a fait cousu quoi pour se couvrir? Le string. Dieu lui a cousu quoi? Un manteau. Quelle est la différence? En fait, si vous regardez dans la définition hébraïque de ketonet, ketonet veut dire longue tunique qui quitte du plus haut en couvrant le bas. Donc directement, on va commencer à regarder les choses ici. Dieu lui, vous souvenez que je vous ai dit dès le départ qu'il y a un principe de perpétualité dans l'œuvre de Dieu ici, n'est-ce pas? Prenons un exemple que vous comprenez. Il n'a pas cousu cela. Il y avait le bananier, non? Il y avait le plantain là, n'est-ce pas? Qui ont les larges feuilles. Dieu n'est pas allé comme l'homme pour dire que non, les figuiers sont petits. Prenons plutôt les feuilles des figuiers, des bananes pour faire le vêtement. Dieu a donné exactement la solution. Et cette solution, dès le départ, souvenez-vous ce que je dis. Si quelqu'un pêche par fornication, Dieu frappe d'une certaine façon, c'est la même façon qu'il va frapper tous les fornicateurs de tous les temps. Comme l'homme a péché directement, il a tué un animal, Dieu signifie dans cet acte-là que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ça ne peut pas changer. Son premier geste sera démontré au fur et à mesure dans la Bible jusqu'à arriver à la perfection qu'il faut que l'homme parfait puisse mourir. Où est la chose maintenant? Je suis en train de parler de la perpétualité là maintenant, des actes de Dieu et de Satan. Je vais vous montrer cela au travers des Écritures. Donc, deux choses. Dieu choisit un animal. Regardez très bien que toute la création était parfaite. En dehors du fait que l'homme a introduit le péché. C'est l'homme qui a introduit le péché, n'est-ce pas? L'animal qui était supplié pendant que l'homme faisait n'avait pas péché. Donc, l'animal que Dieu a pris pour sacrifier était innocent. L'animal que le Seigneur Dieu des armées a sacrifié pour couvrir les habits à la femme et à l'homme était innocent. Dieu dans cet acte signifie que c'est un innocent seulement qui peut porter le péché. On est d'accord ici là-dessus, n'est-ce pas? Ok. Il a fallu que cette innocence, cette personne qui est innocente, soit absente pour que le péché soit couvert. C'est-à-dire que la personne meurt. On est d'accord? Dieu veut dire clairement dans cet acte que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Dans cet acte que Dieu fait, c'est Dieu qui a pris tuer un innocent. Pour faire que l'humanité soit couverte, que l'homme et la femme soient couvertes, il indique clairement ce que Ésaïe chapitre 53 verset 10 le dit. Il a plu à l'Éternel de briser son fils par la souffrance. Donc c'est Dieu qui a frappé. On dit parmi ceux de sa génération, qui a reconnu que c'est le bras de l'Éternel et que cela venait de lui. Donc Dieu a aimé son fils, il a brisé comme il avait brisé cet innocent, là-bas dans le jardin pour que l'humanité soit rachetée. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Jésus nous montre clairement que ce que Dieu a fait dès le départ, c'est ça qui va faire être par la suite. Dans les Lévitiques, comme vous allez voir comment telle personne pêche, va amener un brebis, on va pour montrer clairement que Dieu est en train de mettre, au fur et à mesure, il est en train de mettre les révélations sur la chose qu'il a dit dès le départ. C'est le principe de perpétualité des œuvres de Dieu. Amen. Alors maintenant, remarquez très bien pour montrer clairement que les prophètes de Dieu comprenaient cela. La prochaine fois, nous sommes au chapitre 3, là, verset 21. Il a sacrifié les animaux, un animal, pour pouvoir faire les habits. Au chapitre 4, quand il y aura les offrandes, c'est exactement ce que Abel le prophète va faire. Il va sacrifier un animal le premier-né. Jésus était le premier-né qu'il fallait sacrifier. Donc, au fur et à mesure, on va commencer à voir que pour le péché, il va falloir verser du sang. Job va dire que, on dit qu'il va faire des sacrifices pour verser du sang, pour couvrir ses enfants, parce que ses enfants pourraient hériter l'Éternel de temps en temps. Où est-ce là? Donc, il y a un sacrifice d'ailleurs qui faut pour le péché. Et Dieu dit, dans Hébreux chapitre 7 et chapitre 8, que le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Mais jusqu'à apparaître à la fin des temps, pour ôter une fois pour toutes le péché de l'humanité. En fait, dans Jean chapitre 2, Jean-Baptiste a dit de lui que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce que Jean-Baptiste présentait là-bas, c'est ce que Dieu a présenté dans le jardin, que voici l'agneau de Dieu qui doit ôter le péché. Dieu veut dire ceci. Tant que quelqu'un n'est pas mort, tu es nu. Tant que tes péchés ne sont pas plongés dans la mort, tu es littéralement nu au devant de lui. Parce que quand l'animal est mort, l'homme pouvait être couvert. On est d'accord là-dessus? Ok. Donc, j'espère que vous avez vu, j'ai parlé de l'innocence que Dieu a montré dans cette image. On a vu ça, n'est-ce pas? On a vu le sang que Dieu a montré dans cette image, n'est-ce pas? On a vu le fait que c'est Dieu lui-même qui le fait dans cette image, n'est-ce pas? On a vu le fait que prophétiquement, ça montre qu'un innocent va venir mourir à la place afin que l'humanité soit rachetée. On a vu ça, n'est-ce pas? Voici donc la chose maintenant qui nous concerne là maintenant. Dieu a fait l'habit pour couvrir toutes les personnes. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Donc, depuis que le péché a eu lieu, Dieu sait maintenant que ses yeux sont ouverts pour regarder la séduction qui est sur la femme. Alors, il faut qu'on se couvre. Et il a donné le modèle dans les vêtements. Donc, c'est pour ça qu'il veut arriver là-bas. C'est là où on va arriver. Dis encore à ton voisin, Dieu a créé les hommes droits. Ils ont cherché beaucoup de détours. Alors, la question que je pose là maintenant entre vous et moi, Dieu a-t-il donné le modèle de l'habit? Oui. Du haut jusqu'en bas. Dieu a-t-il donné? Oui. Comme il a donné là, il ne peut plus changer. Comme il a immolé l'animal, c'est ça qu'il a présenté au fur et à mesure dans les Écritures jusqu'à ce qu'à la fin il a présenté. Vous y êtes, n'est-ce pas? Je vous pose encore des questions. Je vous pose des questions maintenant. Vous êtes d'accord? Comment Adam savait que Ève qui était devant lui était une femme? Il a vu? Ok. Y a-t-il un signe distinctif que la femme doit avoir sur elle pour qu'on sache qu'elle est femme? C'est vous qui mettez votre mamelle? C'est vous qui mettez? Je repose la question. Y a-t-il un signe distinctif que la femme doit mettre sur elle par elle-même pour qu'on puisse savoir qu'elle est femme? D'où viennent les boucles d'oreilles? Dis à ton voisin encore, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. On arrive doucement, d'accord? On va entrer dans la Bible, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit dès le départ, vous m'aimez, vous avez dit oui, non? Avançons. Répondez-moi donc à la question. D'où vient-il que l'humanité a commencé à se percer les oreilles alors que Dieu n'a percé nulle part les oreilles d'Ève? Je pose une question encore autrement. Quand Dieu parlait à Adam et à Ève, ils entendaient avec les oreilles, n'est-ce pas? Il y a ta voisine, donc il y avait un trou que Dieu avait percé pour leur donner la capacité de l'entendre. Dis encore à ton voisin. Non, écoutez maintenant. Quand ils mangeaient, ils étaient rassasiés. Dis à ton voisin, quand ils mangeaient, ils étaient rassasiés. Pour déféquer, Dieu a créé un trou pour ça. Si Adam voulait connaître Ève, Dieu a prévu un trou pour ça. Maintenant, regarde quelqu'un en pointant dans les oreilles. Dis maintenant que tout ce que Dieu a créé, n'a pas besoin d'être tordu. Ce qui est tordu ne peut pas être régressé. Vous commencez à comprendre là où je suis en train de venir, non? C'est la Bible, mes chers amis. C'est la Bible. Donc, ça veut dire que la personne qui vous a percé les oreilles va rendre des comptes à Dieu. Souvenez-vous de ce qu'il dit. Tout ce que Dieu a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Regardez la tradition qu'on a trouvée. Vous montez, vous descendez avec nous, on a trouvé la tradition. Et on est en train de perpétuer. Mais vous n'avez pas d'excuse ici. Vous avez par exemple percé vos oreilles. Là, c'est compréhensible que peut-être vous étiez dans l'ignorance. Parce que la Bible déclare qu'il ne tient pas compte de temps d'ignorance. Appelle les gens à faire quoi? À se repentir tout simplement. Je vais vous montrer vraiment la signification biblique de mettre les boucles à l'oreille. Ne vous inquiétez pas, on va arriver tout à l'heure, vous allez voir dans la Bible. Juste en départ, il parle de vous les femmes. Hein. Les hommes ont pour eux. On va y arriver, c'est pas pour eux. Vous. Pour vous, c'est ceci. Regardez bien l'image qu'ils sont présentés depuis la Genèse. Dieu a créé et tout ce qu'il avait créé était donc parfait. Donc quand il a créé l'être humain, l'homme, il n'a pas dessiné les serpents sur son corps. Donc toute personne qui met des tatous sur son corps est coupable devant Dieu. Plus tard dans Genèse, dans Lévitique chapitre 18, le verset 19, il va dire que littéralement, qu'on ne se faisait pas des images sur le corps. La version anglaise dit, you will not do tattoo on you. Tattoo, c'est écrit littéralement dans la version anglaise, tattoo. Lévitique chapitre 18, le verset 19. Donc, faisons attention à ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe? Satan donc initie les mots pour détourner les gens. Vous voyez quelqu'un, les femmes maintenant, regardez bien. Je vous avais dit qu'il n'y a pas un péché qui est seul. Quand la femme a commencé à porter les pantalons, ils vont maintenant faire les tailles basses. On va mettre les papillons ici pour qu'on fasse n'importe comment. Alors il faut pousser les habits qui sont en haut pour qu'on voit les fleurs, les charbons, le cœur qu'on a envoyé les flèches sur ça pour dire que son cœur a été poignardé par Satan. En gravant sur le corps, je vous le dis, priez Dieu pour qu'il efface ça par le sang de Jésus. Je vous le dis. Parce que toute désobéissance est un péché, vrai ou faux. Dieu a donc littéralement dit qu'on ne doit pas modifier quoi que ce soit sur le corps. Écrit sur le corps. On est d'accord? Ok. Dieu a dit littéralement dans la Bible que les seules personnes qu'on pouvait percer les oreilles devaient être les esclaves. Vous êtes esclaves? Pointe encore quelqu'un. Pointe quelqu'un. Il y a des ceux qui me veulent parler ici là, mais ils ont dit que non, tu exagères. Demande à quelqu'un que tu es esclave. Dis encore, la réponse est manifestement oui, parce que tu as percé les oreilles. Si vous lisez votre Bible, dans le livre d'Exode chapitre 25, et le chapitre 25, où on parlait de l'année des jubilés, où on devait proclamer la liberté, la Bible déclare clairement que si on proclame la liberté au septième sabbat, si on proclame la liberté dans les années sabbatiques, souvenez-vous qu'il y avait 49 ans, après 49 ans, l'année des cinquantaines, c'était cinquantaine, Pentecôte veut dire cinquantaine, c'est-à-dire qu'on a 25 ans. Alors maintenant, à la 5 ans, on proclamait la liberté. Voilà pourquoi, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour donner la liberté à tous ceux qui étaient sous le péché. Donc maintenant, quand on proclame donc cette liberté, dans l'image prophétique qui est dans le livre de Genèse, dans les fêtes juives, Dieu avait prévu que c'est possible qu'on dise à cette sœur, c'est que tu es libre, que tu n'es pas facile d'habituer. Vous suivez ça? Alors Dieu avait prévu donc que si cette sœur-ci ne veut pas sortir, on lui perce les oreilles sur le poteau de la porte, on lui met les boucles pour signifier que jamais elle ne sera plus libre. Autrement dit, Dieu signifie que quand la proclamation du Saint-Esprit est venue pour libérer les gens du péché, si quelqu'un refuse cela, il n'y a plus de pardon. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc vos oreilles que vous percez est un type du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est grave seulement, c'est grave. Il dit les oreilles, l'autre encore personne. En fait, on peut le voir dans la Bible. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a circulé autour de la nuit des temps. On va toucher le bague de ma reine, ne vous inquiétez pas, on est en train d'arriver. Dieu a créé. L'autre homme mis maintenant, écoutez, vous savez quand il y a des tuyaux de chauffement, vous savez, il y a des bâtiments qui ont deux valves derrière, n'est-ce pas? Il y a des bâtiments qui ont une valve. Les bâtiments qui ont une valve, quoi, vous appelez tuyaux de chauffement, on peut modifier pour mettre deux valves selon les montants qu'on a de les mettre. Dieu a mis deux cheminées à l'être humain pour vous montrer directement que quand vous respirez, en expirez les mauvaises cheminées là de ce côté, si quelqu'un apprend pour percer encore une troisième ici, hein, ou mettre le boucle là-dessus. Dieu aide de telles choses. La façon que Dieu a même fait le nez de quelqu'un vers le bas montre clairement qu'il ne doit pas fumer. Parce que les cheminées sont pointées vers le haut. Dieu a pointé les cheminées vers le bas pour montrer que la fumée n'a pas besoin de sortir de là-bas. Donc Dieu a régularisé tout le corps pour vous montrer clairement qu'il n'y a rien à modifier. N'est-ce pas dans les maisons, il y a les cheminées sont en haut. On a la pointe des cheminées en bas. Voilà. Allez voir là où on vend le porc. Les cheminées sont en haut. Dis à ton voisin, ton nez n'est pas en haut. Ton nez n'est pas en haut. Voilà. Si ton nez était en haut, ça veut dire que Dieu avait prévu que les fumées seront expulsées vers le haut. Alléluia. Donc, tout ce que le Créateur a mis dans l'univers donc, est effectivement parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Dis à ton voisin, y compris toi. Voilà pourquoi quand Adam est venu avec la nature de string, Dieu a changé directement que non, ce n'est pas le string. Il faut cacher effectivement toute ta nudité. Ce n'est pas seulement le corps qui est le problème, tout le corps est là-bas. En fait, et vous les femmes, vous devez connaître qu'il y a des parties sensuelles sur vous. Vous l'admettez, oui ou non, c'est ce qui est écrit. La propriété des séductions ne se trouve pas chez l'homme, c'est chez la femme. La propriété des séductions se trouve chez vous. Si vous êtes brune, vous êtes encore une arme de destruction massive entre les mains de Satan. Vous êtes belle encore, c'est grave. C'est une dynamite. Donc faites vraiment, vraiment attention. Alors, la question que je vais poser maintenant, d'après Matthieu chapitre 5, Marc chapitre 9, versets 41 à 44, Jésus a dit, si quelqu'un scandalisait un seul petit qui croit à moi, il aurait fallu mieux pour lui qu'il ne naquit pas. Après, il m'a dit quoi? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est vrai, il faut crever. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, avant de toucher les boucles d'oreilles et l'habillement de la femme, il dit, je veux que les hommes prient en quelque lieu en élevant les mains et pensent peu. Pourquoi le Saint-Esprit dit directement, il dit que je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente, ne c'est pas ni les traits, ni ceci, ainsi de suite. Parce que si tu es mal habillé, regardez dans les assemblées, on dit, alléluia, une femme se soulève comme ça, on voit les nombres ici. Le frère est déconcentré. Quand il ferme les yeux, maintenant, le nombril est toujours, il a des voix toujours la même chose. Il dit que les frères ne doivent pas avoir de mauvaises pensées. Vous, maintenant, qui êtes devant moi, si vous êtes mal habillé, les gens ont de mauvaises pensées, vous êtes coupable devant Dieu d'avoir fait tomber un enfant pour qui il est mort. Voici pourquoi je voulais vous parler de l'habillement. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, il dit, bien que vous savez toutes ces choses, j'ai un devoir, tant que je suis dans cette temps, c'est de vous les rappeler. Parce que vous connaissez quel jour on a des vies. Donc, on doit vous rappeler, aller en profondeur. Ça veut dire ceci, mes chers amis, d'après Genèse, chapitre 3, verset 21, que nous avons lu là. Ça veut dire que le standard de l'habillement doit être donné par Dieu, pas par un homme, pas par une congrégation, pas par une institution, pas par une culture, mais par Dieu. On est d'accord aussi là, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a indiqué comment l'humanité devait être pardonnée. On est d'accord? C'est le standard de sa parole qui a montré qu'il fallait que l'homme paye par que le sacrifice soit versé par le sang pour que l'homme soit pardonné. On est d'accord là, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu, dis à ta voisine, c'est Dieu qui montre le standard. C'est grave ici là maintenant. Donc c'est Dieu qui montre, mais ce, écoutez-moi, c'est Dieu, l'Éternel des armées, qui doit montrer le standard de l'habillement. C'est Dieu qui va montrer le standard comment l'homme doit être sauvé. Ce n'est pas un pasteur qui va indiquer comment il faut être sauvé. S'il y a une louange, c'est Dieu qui va montrer le standard de la louange. S'il y a quelque chose qu'on doit faire n'importe quoi pour Dieu, Dieu a régularisé dans sa parole. Et d'après la loi de la perpétuité, c'est-à-dire que reproduit une même chose qu'on a montré en image dès le départ, Dieu nous a montré ici là que le fait qu'il ait versé le sang ne peut pas changer jusqu'à ce que l'accomplissement ait lieu. Et l'accomplissement a eu lieu en Jésus Christ. Le deuxième acte, c'est que Dieu a cousu des robes, des tuniques, ketonettes en hébreu. Ketonettes en hébreu, c'est-à-dire que des longues chemises qui allant du haut jusqu'en bas. Ça veut dire que Dieu a montré qu'il faut que... Ah ben, je vous pose une question. Combien de personnes y a-t-il dans le jardin? Combien de personnes y a-t-il dans le jardin? Comment se fait-il qu'entre l'homme et la femme, Dieu, même dans le foyer, Dieu dit qu'il faut qu'ils s'habillent bien? Ils étaient deux. Maintenant, voilà l'humanité. Regardez seulement votre Hollywood à la télévision. Regardez. Les femmes balancent les seins et les fesses à qui veut aller en enfer. Dieu est dans le jardin en esprit. L'homme et la femme sont là. L'homme et la femme. Dieu les couvre et la femme et l'homme. Vous dites que cachez-vous. Satan dit que exposer. Regardez très bien comment vous cousez votre habit. On coupe ici là pour que ça sorte ici là comme le couscous. Quand il fait comme ça, vous voyez comment ça fait brr, brr, brr, brr, vous voyez cela, n'est-ce pas? Le frère fait comme ça, il fait le mouchoir comme ça. Il ne peut pas faire autrement. Les zones de séduction, c'est exactement ce que Satan expose. On coupe les habits, on coupe un peu. Vous voyez comment quelqu'un a un tissu. Il court, après il fait le voir. Il jette. Tu te poses la question, pourquoi il a coupé ce tissu pour jeter? Après, il fait un tatouage là-bas au niveau des nombrils que touche-moi bébé. L'autre part couvre sa robe, ça couvre bien. Elle prend elle-même encore le sujet, elle va dire, ah, ou bien elle dit là-bas, tu fends ça d'ici jusqu'ici. Dis-moi ta copine, qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez nous? Comme ça, quand elle m'a fait comme ça, elle parle de vous, on voit les cuisses. Oh, Dieu veut qu'on couvre. Dieu veut qu'on couvre. Donc, le principe immuable de Dieu, d'après sa loi, comme on a vu la Genèse, ça veut dire qu'il attend que l'humanité se couvre véritablement. C'est présenté là-bas dans ce Genèse, chapitre 3, verset 21. Le modèle de la vie, c'est lui qui l'a donné. Tel que c'est donné là, ça ne doit pas changer. Bien qu'en 539, en Perse, on a vu une femme, une renégate, porter le pantalon. Ça a infesté Un dessus, je vais parler de l'origine des pantalons. Comment ça a circulé? Comment ça a circulé au courant de la nature? Si vous avez des... Vous pouvez lire, vous donner. Je vais faire un enseignement écrit sur ça. Il y a un enseignement qui sont préparés audio pour cela. Mais je veux seulement vous montrer que si vous ne comprenez pas ce que Dieu a rejeté dès le départ, il va rejeter jusqu'à ce que l'humanité arrive à sa fin. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Parce que Dieu ne peut pas rejeter quelque chose dès le départ, il change. A-t-il rejeté le string que Adam a cousu? Dis à ta voisine maintenant, jette tes strings. Il y a des gens qui veulent me parler. Mais il n'y a pas de problème, je ne m'adresse pas à tout le monde. Souvenez-vous, je vous ai dit dès le départ, est-ce qu'il y a deux semences? Chaque semence va choisir son camp. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. C'est la voix de l'Éternel. Je ne suis pas de sortir la Bible d'un côté ni d'un autre. Adam a cousu les strings. Il a fait comme ça, boum, boum, boum, boum, boum, ça n'a pas donné. Dieu est venu, il a cousu les tuniques. On a vu ça, n'est-ce pas? Ok, donc Dieu a mis le modèle de la vie de l'homme et de la femme. Maintenant, pour vous montrer ce qu'il en est, quand il a sacrifié cet agneau sans tache ni ride, plus tard on a vu dans la loi clairement comment il fallait sacrifier. Alors Dieu va amener et le sacrifice dans la loi, amener l'habillement aussi dans Deutéronome 22, verset 5. Il dit, l'homme ne portera point le vêtement d'homme, des femmes. Et une femme ne portera point les vêtements. Dieu a interdit ça depuis le jardin. Ça a continué. Souvenez-vous de ce qu'on a vu dans ces Ecclésiastes chapitre 7, verset 29. Dieu a créé les hommes joyeux, ils ont cherché beaucoup de détours. Maintenant, Dieu, donnant le modèle, instituant dans la parole, fait une signature. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Parce que si tu ne portes pas la vie telle que Dieu a le dit, tu es en train de désobéir pour prendre la position de nudité qu'Adam et Ève avaient eu dès le départ. Donc tu as rejeté la loi du sacrifice. Tu as refusé et tu es en train de refuser le fait qu'il faut que Dieu verse son sang pour te couvrir. Parce que quand il verse le sang, automatiquement il faut qu'il te couvre. Et tu refuses le vêtement, donc tu as refusé le sacrifice. Deutéronome 22. Un pasteur a lu ce verset 22. Si vous avez ça devant, vous avez remarqué ce qu'il veut dire. Dans ce chapitre 22, verset 5, on dit clairement ce que je viens de citer. Et au chapitre 11, au verset 11, il y a quelque chose. Je vous le dis, si on ne vous a pas envoyé prêcher la parole de Dieu, ne l'avez pas dit à quelqu'un parce que vous allez faire des problèmes. Vous allez avoir des problèmes avec le Seigneur Dieu des armées. Quelqu'un lit le verset 11 de ce verset 22. Vous voyez ce qu'il en dit. Deutéronome 22, verset 11. Allons-y, 1, 2, 3. Qui lit? Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils. Oui. Et de laine et de lin réunis ensemble. Voilà. Vous voyez, quand le pasteur a vu que sa femme était en pantalon et puis ses fesses étaient vraiment bombées, lui aussi il aimait ça parce qu'il avait la séduction, l'esprit de séduction dans son cœur. Non, laisse-le déchirer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il faut qu'il cherche vraiment un moyen pour contenir le verset, chapitre 5, chapitre 22, verset 5 ici. Il m'a posé la question, vous voyez, vous ne pouvez pas contredire le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire dire à la parole ce que la parole ne dit pas, vous allez mettre les choses en ordre. Alors le verset 11, Dieu veut dire, en fait, c'est comme si Jean lui dit que tu ne dois pas porter un haut qui est en coton et l'autre qui est en fil de laine, par exemple. Il faut que si un est en coton, l'autre, tout l'habit soit en coton. Donc, autrement dit, comme on coud les habits, on met l'autre en une nature, l'autre ne doit pas être là-bas, d'accord? Voici ce que le pasteur voulait faire pour essayer de dire que, ok, si tu prêches ça, il faut aussi prêcher ceci. Il ne connaissait pas que le Saint-Esprit est infiniment sage. Dans ce verset, la Bible dit clairement ceci. Après, au verset 12, il va parler des franges qu'on devait mettre sur les vêtements. Alors, je lui ai dit, mon cher frère, sauf que ici, il n'y a pas de règles strictes pour aller en enfer. Mais pour 22, verset 5, il a dit, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Pour l'autre, il n'a pas précisé. Ça veut dire quoi? Regardez, si vous lisez Apocalypse, chapitre 21, verset 8, il dit que mes brebis les lâches. Les incrédules, les abominables. Les quoi? Les quoi? Les quoi? Qu'est-ce qu'un abominable? Les gens qui commettent des abominations. Dieu a extampillé, si vous regardez votre Bible, vous allez voir, notez, faites la recherche. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Lisez la liste des choses que Dieu a en abomination. Ça ne peut pas changer. En fait, le mot qui est traduit par abomination dans votre Bible, c'est Dieu a en extrême horreur. Donc si une femme porte le pantalon, directement sa destination c'est en enfer. Partout où vous allez voir dans la boutique de Bible, vous allez voir en abomination à l'Éternel, ça n'a pas changé dans son plan. Et ça ne peut pas changer. Il dit quiconque fait ces choses est en abomination. Après le monsieur a commencé à dire que non. Quand il n'a pas vu, il a vu quand je lui ai présenté cela, il a compris que ici c'est grave. Il a dit que c'est pour les juifs. Il dit frère, revenons encore dans ce même verset. Il a dit que tout homme tous les hommes sont ses juifs. Il a dit non, il dit ça règle le problème. Il a dit tout homme. Tout homme. Tout homme. L'homme ne portera pas. L'homme. Alors, il n'a pas dit l'homme juif. Donc, Dieu veut nous dire ceci. Porter les vêtements d'homme pour une femme, c'est l'atteinte à la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu l'a régularisé au-dessus de toute culture. Donc ce verset et ce commandement de Dieu transcendent toutes les époques, toutes les races. Vous vous souvenez, en Écosse, les gens portent les jupes. Quand vous venez, si vous voyez Paul Béadima à la télévision avec les jupes, quand vous-même, vous voyez Paul Béadima à la télévision avec les jupes, qu'est-ce que ça vous ensemble? Dans ce cas, pourquoi sa femme porte le pantalon, ça ne vous fait pas bizarre? Je dis, si Paul Béadima porte les kabas un jour, vous allez dire que Camerounaise, vous allez dire que le président l'a dénaturé. Pourquoi sa femme porte le pantalon? Vous ne dites rien. Et on dit aux femmes aujourd'hui que c'est à la maison, c'est elle qui porte. Les païens donnent ces proverbes pour signifier qu'elles ne devraient pas porter le pantalon. Autrement dit, le pantalon est destiné pour l'homme. Mes chers soeurs, qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec nous? On est sur le pantalon là maintenant, vous avez compris, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, les jambes des femmes étant séduisantes, Dieu s'attend à ce que ça couvre jusqu'aux pieds. C'est-à-dire que le standard, souvenez-vous, on parle de standard maintenant. Le standard de l'habillement de la femme, dès que vous êtes, c'est que si tu t'assois, tu ne disposes pas un frère qui est au-devant de toi. Sans ambiguïté. Je vais dire quelque chose pour que vous compreniez. Vous tirez, hein? C'est pas ici. Il y a un seul. L'autre essaie d'habiter les autres. Vous allez tirer, ça veut que c'est grave ici là. Écoutez bien, n'est-ce pas? Voici pourquoi nous sommes ici. La Bible déclare que quand nous nous réunissons, c'est pour nous édifier. D'accord? La Bible dit que nous nous réunissons pour nous édifier. C'est-à-dire que s'il y avait une partie de destruction en nous qu'on construit. Donc bienvenue. Si vous êtes venu pour la première fois, ce n'est pas pour vous blesser. Nous sommes là pour donner ces choses afin qu'on se corrige. Parce que nous, on n'est pas sorti du ventre comme ça parfait, jamais. C'est au fur et à mesure que Dieu se révèle à nous qu'on devient au fur et à mesure, on a été corrigé. Ne vous inquiétez pas, il y a droit pour les hommes. Maintenant, ça veut dire que. On va prendre comment? Lève ton pied sur la chaise, c'est ma soeur. Excuse-moi. Donc, supposons que. Il y a un frère qui m'avait dit un jour qu'il y a une soeur qui est venue là-bas. Elle, ses seins étaient dehors, ça ne dérange pas. Je lui ai dit que c'est le mensonge. La seule façon que ces seins tu regardes, ça ne dérange pas, c'est que tu sois castré. Donc, même si, écoutez bien, même si tu as le Saint-Esprit n'importe comment, le Saint-Esprit n'empêche pas que ta chair fasse quelque chose. Jamais. Parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est écrit dans votre Bible. Elle ne peut pas obéir. Donc, si je dis que non, voilà pourquoi Dieu dit que fuyez l'immoralité sexuelle, fuyez. La seule façon, la seule empreinte de la prière, c'est de fuir. Non, on t'amène à, vous appelez délice. On te donne la glace. Tu fais rien, rien. Et la glace qu'on a donnée à la forme du cœur, tu ne comprends pas qu'il a déjà dragué pour t'amener quelque part. En fait, vous savez quand on vous drague. On apporte les biscuits avec que ma soeur est venue de la France, c'est le chocolat blanc, le Mont Blanc. Tu prends que il te demande quoi? Il dit non, le gars là est gentil. Dis à ton voisin, le serpent aussi est gentil. Le serpent aussi est gentil. Parce qu'il attrape les souris qui dérangent à la maison. Donc, si la chaise est donc comme ça, si la chaise est comme ça, une soeur s'assoit. Une soeur vient s'asseoir et qu'il y a un flot devant de lui. Si elle s'assoit sans mettre un truc, un sac, un truc pour. Remarquez comment vous faites. Quand vous asseyez dans un milieu, vous savez que vous êtes habillé. Un temps, vous mettez votre petit écharpe par là. Pas vrai? Le geste là vient de vous montrer que vous n'êtes pas conforme à Dieu. Ce que vous venez de faire comme ça montre directement que vous n'êtes pas conforme à Dieu. Parce que normalement, vous allez vous dire indirectement que j'aurais dû faire descendre ça plus bas. C'est ce que vous entendez dire. Deuxième chose, d'autres qui n'ont pas sa porte de s'arrêter mettre comme ça là. Vous voyez comment les gens marchent en route quand je tombe, ils disent viens me déposer. Il ne peut pas faire. Il a serré son truc comme si le saucisson. Il ne peut pas se baisser. C'est vraiment que ça doit être tellement ample au-dessus de toi de temps en que tu peux te baisser sans maudire quelqu'un. C'est exactement ce que les musiciens m'ont dit pour la télévision. Quand ils dansent un peu comment, ouais, un musicien fait comme cela. Tcho, il dit que regardez à la fesse. C'est la montre à la télévision que je vous maudis. C'est parce que vous voyez la télévision. Il faut vraiment une nette repentance à l'église du Seigneur Jésus. Attends ma soeur. Donc il faut une repentance à l'église du Seigneur. Autrement dit, mes chères soeurs, vous qui êtes ici, je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Ça veut dire que sous aucune forme, votre poitrine ne doit être exposée. Sous aucune forme. Si tu portes un habit où en petit geste on peut voir tes seins, tu es coupable devant Dieu. Parce que le seul sein, parce que, écoutez bien, l'endroit le plus beau du monde, ce n'est pas la tour Eiffel, c'est les seins de la femme. Si vous exposez ça gratuitement, vous irez en enfer gratuitement. Parce qu'il n'y a pas quoi que ce soit qui donne les mauvaises pensées plus que les seins d'une femme. Voilà pourquoi que la Bible déclare clairement dans votre Bible, dans Proverbe chapitre 5, que sans cesse des seins t'enivrent de son amour et de ses charmes. Parce qu'il y a le charme au niveau des seins. Alléluia. Ok. Donc, Dis à ta voisine doucement, la réforme. La réforme. Vestimentaire. Vestimentaire. Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à la sainteté. Je vais citer une partie de l'écriture pour que vous compreniez ce qu'il en est dit. Dans Tite chapitre 2, le verset 3 dit clairement que dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc il y a une sainteté à l'extérieur de la femme qu'elle doit professer. D'accord? Il y a une sainteté à l'extérieur. Autrement dit, une femme, quand elle s'habille, elle va dégager d'abord la sainteté. On va la voir à l'extérieur, sachant que c'est une sainte femme d'abord. On dit ainsi séparer les saintes femmes autrefois, comme Sarah, qui appelait son mari quoi? Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, le mari, c'est quoi? Bébé. C'est le bébé. Donc, le mari a quitté le standard de Seigneur. Quand on a dit Seigneur, le Seigneur des guerres, le Seigneur, c'est quelqu'un qui dominait, qui montrait sa virilité. Aujourd'hui, c'est le bébé parce qu'il joue le plus chez l'enfant. Le bébé. Donc, faisons attention. La décadence morale. Dieu dit dans sa parole que quoi? Il a créé les hommes droits. Les gens ont pris beaucoup de détours. Beaucoup de détours. On a pris des chemins qu'il ne fallait pas prendre. L'un des chemins, donc, c'est exactement au niveau du vestimentaire. Si vous voulez, Yves Saint Laurent lui-même, qui est un créateur de mots, dit directement... La femme venait d'intégrer le pantalon. La femme venait d'intégrer le pantalon. Yves Saint Laurent, vous le connaissez. Donc maintenant, je vous pose la question. Allez-vous, oui ou non, remonter votre jeu ou bien descendre? Descendre. En fait, ça entre votre main. Oui.